dans l'histoire, il y a eu beaucoup de chansons qui nous ont, qui sont restées dans la tête. Mm-hmm. Des chansons de chroniqueurs ou d'émissions autour de l'univers Mathieu Plante. Oui. Et moi, ben, j'aime ça me les ramener et te les faire toi aussi écouter au complet. Ben oui, c'est important parce que c'est pas juste des extraits, ces tunes-là. Ben c'est ça. Hein? C'est pas du métamucil, là. C'est pas genre dégueulasse à prendre. C'est bon, ça. Tu peux te faire un verre de les paroles des autres. Voici la musique thème de la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. C'était la musique thème de la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis, qu'on retrouve les mercredis aux deux semaines. Oui. À Assemblage Requis. Et la chanson, c'est 130F de #10 par Plaster sur leur album First Aid Kit, premier album de la formation qui est paru en novembre 2005. Évidemment, Plaster, qui est ce groupe canadien d'électro-jazz et électro-rock formé en 2001 à Montréal. Et puis leur premier album, First Aid Kit, a gagné le prix à la disque pour meilleur album électronique ou techno en 2006. Très bon album. D'ailleurs, nouvel album qui est sorti il y a moins d'un an. Ah, la date m'échappe, mais très bon album. Si vous ne l'avez pas découvert encore, vous êtes un an en retard. C'était en 2011. Deux ans en retard. C'est pas quelques mois, mais proche. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça. Ça faisait au moins un an. C'est récent, on aime ça. Ouais. En fait, on adore Plaster. Je pourrais vous lister les autres chroniques qui utilisaient aussi une chanson de Plaster, mais ce serait un peu long et plate parce que je connais pas les titres, fait que je jouerais n'importe quel. Ça ferait pas de la très très bonne radio si, mettons, je partais genre. Je sais que celle-là, il me semble qu'on avait utilisé celle-ci. Ça, c'est l'ancienne chanson thème de C'est un fait. On l'a écouté la semaine passée. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles? On avait aussi, je crois que celle-là est utilisée aussi. Oui. C'est l'émission culturelle ici assez fou, je me rappelle pas du nom, Bazar, quelque chose comme ça, qui avait ce nom-là. Elle est bonne celle-là. Et plein d'autres. Mmh. Voilà. Donc voilà pour les paroles des autres, l'émission, la chronique, en fait, la chronique où on fait jouer la chanson thème ou la musique thème d'une émission ou d'une chronique dans l'univers Mathieu Plante. On fait ça quand ça donne. Oui, on aime ça aussi.